un carnaval. Ils étaient parés de robes incolores, de calottes de diable à cornes molles, de masques sans relief et sans traits, de capes informes qui n'étaient que le crissement virevoltant de leurs plis, de loups non échancrés, de diadèmes de lave et de collerettes de glace, d'inutiles azur brodés, de pyjamas de soie rouge trompette et bleu violon, d'autres bleus mous et de verts irritants, de brins indistincts, de brassards et de couronnes de grelots. Ils ne représentaient pas des hommes, mais des rayons de lune, des rivières, des arbres de foudre, des éruptions. Des ténèbres phosphorescentes les encerclaient, en crépitant de doigt en doigt comme des feux magiques. Sans danger, pour se tourner la tête, ils se rincèrent les yeux à l'alcool pur. Ils se mirent des valses, ils soufflèrent dans des cornets, ils burent du feu dans des œillères. Ils échangèrent chaussons contre tricornes, ils ajoutèrent des cascades de rubans sur leurs perruques. Leurs mains étaient gantées de feuilles et leurs mollets de feu gainés. Ils coururent d'un bout à l'autre des couloirs et sautèrent les obstacles. Ils s'étaient déguisés en colonnes et en traîneaux, en Niagara et en Mont-Blanc. Ils dévorèrent des pièces montées et en croquèrent mariés et communiants, tout ruisselant d'odeurs qui n'étaient pas les leurs, hommes contre femmes, animaux contre cadavres. Ils se poursuivirent dans les jardins, ils se lancèrent dans les pattes des rats mécaniques, les incendiaires luttèrent avec les prestidigitateurs, ils chutèrent délicieusement. Dans le hall, une pancarte indiquait que le déguisement était obligatoire et que toute personne qui s'y soustrairait serait sanctionnée. Mais qui pouvait lire la pancarte? Et qui donc pouvait se démasquer à vue par son absence de costume? Josette et Robert, deux renégats, restèrent à l'orée de la fête, main dans la main, dans leurs ternes habits de semaine, maudissant les vagues de rire qui montaient jusqu'à eux et les blessés, ressassant un triste sentiment de supériorité, et construisant dans leurs deux esprits, sans qu'ils se l'avouent, les mêmes images de vengeance meurtrière. Leurs mains timorées tenaient des poignards, dégouttaient le sang. Le lendemain, ils étaient épuisés.